Shut up. Okay, look. Bata. Yeah, man, let's all live from Kawaina. Fist on them, may I tell you, pick it up. Okay, from all the forms, I get to them all pop. Shut up, them with them. Why not? Yeah, man, let's all live from Kawaina. Fist on them, may I tell you, pick it up. From all the forms, I get to them all pop. Shut up, them with them. Why not? Them seul qui a joué pas ni rien sous contrôle. Basse la capété, ça qu'a rendu toute forme folle. Fesse là les mains, ciel et de la main au sol. Si vous étiez gardé, ça vous pète de la boussole. Non, mais basse, non, mais mes fesses qu'a fun. Sa belle au pays, welcome to Shutter Island. La ligne des belles modèles et money, change icon. L'argent fait pour dépenser, alors pas fait gang. Ou pé, ouais, mais à terre et femme qu'a descend. Quelle la haute, ça peut tout n'est gang bang. Ramène tes copines, je ramène mon gang. Au soir, y'a nous toutes caripati ensemble. Yeah, mais le ça s'allève, faut qu'à wind up. Fais sans les meilleurs tapes qui top. Comment les formes, ça qui tout n'est mal pour. Chata dem with him, why not? Dem seul qu'a joué pas ni rien sous contrôle. Basse la capété, ça qu'a rendu toute forme folle. Fesse là les mains, ciel et de la main au sol. Si vous étiez gardé, ça vous pépé de la boussole. La ni piti et puis go poum poum. La jean cassi ou culé en soum soum. Disrespect ou pétan de boudoum. Qu'elle a bac full, la ni trop coucoun. A dans un petit moment, ça peut finir à dans bedroom. En kaba ou en ben coco qu'on raccoon. Yo qu'elle pétan nous crier jusqu'en coun. Chata c'est à nous, c'est pas ta tout. Yeah, mais le sasa le fuck a wind up. Fais sans les meilleurs tchèpes et qui top. Comment les formes, ça qui tout n'est mal pop. Chata dem with him, why not? Dem seul qu'a joué pas ni rien sous contrôle. Basse la capété, ça qu'a rendu toute forme folle. Fesse là les mains, ciel et de la main au sol. Si vous étiez gardé, ça vous pépé de la boussole. Yeah, mais le sasa le fuck a wind up. Basse la capété, ça qu'a rendu toute forme folle. Comment les formes, ça qui tout n'est mal pop. Si vous étiez gardé, ça vous pépé de la boussole. Shut up, Mikado.